Maryse avait fait cette première partie de son voyage, un livre sur ses genoux, mais le regard et la pensée ailleurs. Ainsi, se disait-elle, non sans une pointe de mélancolie, cet inconnu charmant, c'est le prince héritier d'Hyperie. Ses prunelles noires, au regard si doux, si éloquent même, tandis qu'il lui offrait ses fleurs cueillies pour elle, c'était le prince d'Hyperie, c'est-à-dire quelqu'un à qui elle avait longuement rêvé, et que plus jamais elle ne reverrait qu'en image. Quand le train s'arrêta à la gare frontière, Maryse descendit de son compartiment, se donnant à elle-même le prétexte d'aller se désaltérer au buffet. Mais son intime raison, qu'elle ne s'avouait pas trop, c'était le désir de revoir peut-être encore une fois ce prince charmant qui faisait, un peu trop peut-être, battre son cœur et vagabonder sa pensée. Qu'importait d'ailleurs, puisqu'elle ne le verrait plus jamais. Sur le quai même, une rangée de guéridons et de fauteuils était installée devant le buffet. Elle s'assit là, le regard tourné vers le wagon royal. Tandis qu'elle s'évertuait à chercher des yeux celui qu'elle voulait revoir, une silhouette intercepta son rayon visuel. Un personnage en jaquette s'inclinait devant son guéridon. « Oh ! » tressaillait-elle en reconnaissant devant elle, et dans cette tenue inattendue, celui qu'elle cherchait à apercevoir là-bas. « Vous ? » ?»« Moi-même, madame. Vous les voyez, je cherchais à tout prix à vous rencontrer. »« Vous ? » répéta-t-elle, partagée entre l'émotion et la surprise. « Mais alors là-bas, celui qu'on acclame, c'est mon valet de chambre. Hein ? N'est-ce pas qu'il joue bien son rôle ?» Devant la tonitruante fanfare, les vivas, urbains, sa toison au col, raidi dans son prestigieux uniforme, ses gants croisés sur le pommeau de son sabre, semblait, dans l'encadrement de la portière, un portrait de famille. Une seconde abasourdie, Maryse ne put contenir la claire explosion de son rire, qui fusa en arpège limpide. « Prenez garde, madame !» prévint doucement le prince en s'asseyant près d'elle. « Nous pourrions nous faire arrêter pour manifestation outrageuse envers le prince d'Hyperie. » Ce serait drôle de me présenter au président de la République avec un œil poché. Et vous avez fait cela ? Pour me revoir ? Vous le voyez ? Mais c'est une folie. Comment la qualifier, madame ? Folie d'amour ? Ne serait-ce pas le terme exact ? Voulez-vous bien ne pas dire une si énorme chose, Altesse ? Je suis venu pour cela, madame. Auriez-vous la cruauté de m'en empêcher ? Peut-être. Si je ne vous avais pas rencontré de nouveau, au départ, serais-je parvenu à la longue à oublier notre première rencontre. Maintenant, je sens que je ne le pourrai plus, prince. Croyez-moi, madame, je vous parle d'une façon sincère, profonde. Ils étaient si absorbés l'un et l'autre dans leur conversation intense qu'ils n'avaient pas entendu le claquement des portières qu'on refermait. Là-bas, devant le wagon royal, les clameurs redoublaient. Les éclats cuivrés de la fanfare, attaquant l'hymne national d'Hyperie, avaient couvert la stridulation du sifflet du départ. « Oh ! » fit soudain Maryse, en remarquant que le train s'était ébranlé. « Tiens, » fit le prince, « je croyais qu'il y avait 20 minutes d'arrêt. »« 13, monsieur, » rectifia un employé qui passait. « Sapristi !» Le train était déjà une vingtaine de mètres et gagnait de la vitesse. « À quelle heure le prochain train pour Paris ?» s'enquit le prince à l'employé. « Dans 4 heures, monsieur. »« Diable ! Merci bien, mon ami. » Il resta quelques secondes pensif, puis se prit à sourire. Et comme Maryse, consternée, semblait s'effarer de ce sourire, « Je pense, dit-il, égayé, à certain vieux général très protocolaire, attaché à ma personne. Il doit faire une tête assez peu banale à voir. » Le général Gormas faisait en effet une tête assez peu banale à voir. Son état d'affolement confinait au vertige. Désespéré, à demi-fou, il parcourait le wagon en tous sens, fourrageant faiblement ses cheveux de ses mains crispées. « Que faire ? Que faire ?» Urbain, intérieurement égayé de la folle aventure, lui laissait le soin d'y songer. Mollement allongé dans son fauteuil, il coupa soigneusement le bout d'un cigare qu'il alluma, et la nuque au-dessus de son siège se prit à contempler les volutes de sa fumée, tout en jouant négligemment avec son collier de la toison d'argent et sa plaque de brillant. Prince il était, prince il entendait rester jusqu'à la dernière minute du beau rêve. Gormas, n'y tenant plus, alla à la sonnette d'alarme et, cédant à un mouvement impulsif, appuya sur le bouton. Presque instantanément apparurent effarés 2 inspecteurs de police. Devant ces 2 faces inquiètes et interrogatives, le général resta pantois. Que dire ? Confié à ces 2 hommes, la fugue du prince s'était déclenché un scandale qu'il importait à tout prix, au contraire, de garder secret. le prestige de la dynastie l'exigeait impérieusement. Il congédia les deux hommes, déclarant d'une voix un peu blanche qu'il avait voulu simplement expérimenter le bon fonctionnement du service. Voilà tout. Sur le point de se retirer, les deux policiers hésitèrent un instant, louchant un peu du côté du prince, dont le sommet de la tête émergeait seul du dossier du fauteuil. Ils hésitaient à parler. « Eh bien, fit nerveusement Gormas, qu'y a-t-il ? Nous tenions à vous transmettre, Excellence. Eh bien, on nous a signalé, dit le brigadier, en baissant un peu la voix, qu'un anarchiste notoire venait de franchir la frontière. Nous tenons à l'œil les divers wagons du train. Nous n'avons rien constaté de particulièrement anormal, mais sait-on jamais avec de pareils oiseaux ? Nous sommes sur le qui-vive. » Les volutes de fumée du faux prince cessèrent instantanément de monter vers le plafond, et l'uniforme d'Urbain se ratatina singulièrement dans le fauteuil. Prince, il n'entendait plus être, et dès l'exode du policier, il le signifia tout net au général, lui notifiant son intention bien arrêtée d'aller se dépouiller de cet uniforme et de ses hautes distinctions, et de reprendre sans plus tarder une vêture conforme à son état. Il ne fallut rien moins que la poigne énergique du général pour le clouer à son siège avec défense, sous peine de mort, d'en bouger. Dans son délire, l'excellent homme se demandait si, mon Dieu, une bombe de gros calibre ne serait pas, en un pareil désastre protocolaire, une solution vraiment acceptable. Le train filait vers Paris avec une vitesse désespérément vertigineuse. Ah, c'est arrivé. Le général se sentait gagné par la folie.